êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance. Le thème de ce soir est le silence radio. Oui, le silence radio. Le thème de Nuisance ce soir est le silence radio. Ce qui ne signifie pas mutisme. Le silence radio n'est pas mutisme radio. Le silence radio n'est pas mutisme radio. Stop. Le silence radio est là. Du non-silence radio. Le silence radio est la lassitude même que je ne puis pas exprimer en verbe. Le silence. Ce n'est pas un verbe, le silence. Mais la nuisance est un verbe. Je ne puis exprimer le silence en verbe, mais bien la nuisance. Ainsi va la vie qu'à la fin elle se brise en mille échardes de nuit, bleutées sur un fond d'azur cendré. Ainsi en code, de code en code, à code, il n'y a pas d'accolade. Silence radio ce soir sur Nuisance, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le silence radieux même. Le radieux silence de la radio. Sûrement pas. Sûrement pas. Non. Pas de silence radieux. Que de silence. Que du silence radio. Il est 9h15 et quelques. Et ce soir, c'est du silence. Du silence sur Nuisance. Vous n'aurez rien ce soir sur la radio. Rien que du silence. Du silence. Mais silence n'est pas mutisme. Est-ce donc non-mutisme que le silence ? Surtout ne pas péter. I don't think it's ever going away. It is going away. It's going away. It's gonna go away, man. Woman. Whatever. I don't give a fuck. No more. Just radio silence tonight. Just radio silence everywhere. In the whole fucking world. Can you hear me? I will say nothing tonight. Nothing, I say. Nothing. I said it. Can you hear me? Do you hear me? Can you hear? Are you here? Is there anybody there? No telephone hanging up. No stupid cell phone on the fucking on button. I don't give a fuck anymore about all this communication shit. Tonight, there's nothing. Just radio silence on nuisance. Nuisances everywhere. Just radio silence on the waves. We're going down to the pits tonight for a whole fucking 2 hours. Autocensure que traduction n'est pas nier la discrimination. La discrimination, la discrimination contre ce silence radio. Le radio, silence, et comme... I don't give a fuck anymore. Just radio silence tonight and forever on Nuisance. What do you think? Do you think I care? Think I really give a fuck? Do you think I care, man? I don't give a fuck. Okay? Just radio silence for everybody and the whole fucking world. God damn you. God damn you. Yes. To the pits. The pits of hell. Can you hear me lisping? Lisping. Lisping on the verge of spurting in your face, stupid, dumb shit motherfuckers. I just don't give a fuck anymore. Tonight, just radio silence. Silence radio sur nuisance. Nuisance exprime le silence de la radio à vous. Vous l'entendez, le silence? Vous l'entendez? Vous l'entendez, le silence, là? Vous voulez que je le mette plus fort, le silence, peut-être? Peut-être que vous voulez que je baisse un peu le silence? Chut. Chut, chut, chut, chut. Écoutez-le, le silence est là, là, il est là, le silence, vous voyez pas, bordel de merde? Il est là, le silence. Vous l'entendez? Il est là de vous-même. À moi. Il est partout, le silence. Vous l'entendez? Vous l'entendez, le silence, là? Vous voulez que je le mette un peu plus fort, peut-être? Ou un peu moins fort? Vous l'entendez, là? Il y a trop de basses. Il y a trop de basses? Un peu plus d'aigu? Un peu plus d'aigu dans le silence? Vous l'entendez là, le silence, non? Je veux dire avec les aigus là. Vous voulez peut-être un peu plus de basse? Et là, ça va mieux? Vous m'entendez là toujours? Enfin, le silence quoi, je veux dire. Pas moi, hein. Moi, je m'efface devant le silence. Le silence, c'est beau. Le silence, c'est haut. C'est oh là là, le silence! Chouette, chouette, chouette, le silence, radio, ce soir sur Nuisance, oui, le silence, sur Nuisance, le silence, sur Nuisance, le silence, sur Nuisance. Oh oui, le silence sur nuisance, nuisance. Le silence ce soir sur votre poste FM stéréo. Oui, votre poste FM stéréo. Le silence sur votre poste FM stéréo. Si vous mettez la fréquence appropriée. Ce soir, vous êtes là? Vous m'entendez? Oh, oh, ce soir, sur Radio Canal Sud, le silence, sur 92.2 MHz ou canalsud.net. Oui, oui, c'est bien ici que vous êtes. Vous écoutez le silence. Vous écoutez le silence de Canal Sud. Canal Sud, radio silencieuse. Ha, ha, ha, ha. C'est beau, c'est beau. Mais qu'est-ce que le silence? Mais dis-moi, dis-moi! Dis-moi! Le silence, c'est quoi? C'est quoi si c'est pas mutisme, le silence? C'est quoi si c'est pas mutisme, le silence? Tu peux me le dire? Tu peux me le dire? Tu peux me le dire ce que c'est le silence si c'est pas mutisme? Hein? Tu sais, toi? Non, parce que t'as l'air de t'y connaître. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Peut-être que tu veux pas du silence sur Canal Sud. C'est ça que tu veux? Tu veux pas du silence? Qu'est-ce que tu veux en fait? Écoute-moi au casque, peut-être que j'entendrai, mec. Ou meuf. Je sais pas moi. T'es un mec ou t'es une meuf? Je sais pas. T'es une meuf, t'es un mec, j'en sais rien, je m'en fous. T'es qui toi d'abord? Moi je m'écoute pas, moi. Moi je m'écoute pas. Non, j'écoute le silence. Oh, ça fait du bien un peu. Taisons-nous un peu. Ça sert à rien de le dire finalement. Ça sert à rien de dire quoi que ce soit. On s'en fout. On s'en fout. On est un con et il s'en fout. Ou elle s'en fout. Ça sert à rien. À rien. À que dalle. À que dalle. Ça sert à rien. À que dalle. À que dalle. Ça sert à rien. À que dalle. Que dalle, ah que dalle, que dalle, ah que dalle, que dalle, ah que dalle, que dalle, ah que dalle, que dalle, ah que dalle. Le silence, ça sert à que dalle. T'entends le silence radio, tu l'entends? Ou t'as des acouphènes? T'as beaucoup d'acouphènes? Non, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse? Pourquoi? Tu préfères te taire, peut-être. Peut-être que tu préfères te taire. Je peux comprendre. Moi aussi, je suis silencieux. Tu vois, je ne me tais pas, pourtant. Mais je suis silencieux, je ne suis pas muet. Mais je suis silencieux. Tu vois? Le silence. Le silence radio. N'est-il pas radieux, le silence? N'est-il pas radieux? Radieux? Rat. Le rat. Le rat. Ah, le rat. Dieu. Dieu. Dieu. Le rat. Ah, Dieu, le rat. Dieu, le rat. N'est-il pas radieux, le silence? N'est-il pas rat? Dieu? Ou Dieu? Rat? Devrais-je dire en verlan? N'est-il pas Dieu? Rat? Le silence radio? Dieu, rat? Dorure. Morue, sale, foutre Dieu, foutre merde, foutre chiotte, foutre crotte. C'est ça le silence? C'est ce que je dis le silence? C'est ce que je dis? Tu peux me le dire ce que c'est le silence? Tu peux me le dire? Tu peux me le dire ce que c'est le silence s'il te plaît? Eh ben non, non je te le dirai pas. Je te le dirai pas, comme ça tu l'auras. Ok? Non, parce que ça va pas se passer comme ça, moi. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Alors, je le dis pas. Voilà. C'est comme ça. Quand on en a marre, eh ben, on se tait pas. On le dit pas non plus. Finalement, on est muet. Quand ça nous fait chier, on est muet. Alors, ton silence, tu sais. Ton silence muet, là. J'en veux pas. Voilà ce que c'est, le silence. Et j'en ai rien à foutre. Faut pas l'oublier d'abord. Je suis comme vous, moi. Ouais, pourquoi? Vous avez quelque chose à foutre, vous? Non, vous avez quelque chose à foutre? À foutre, hein? Vous pouvez me le dire? Vous pouvez me le dire, ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous en avez quelque chose à foutre? Moi j'en ai rien à foutre moi. Alors merde. Voilà. C'est nuisance ce soir. Et c'est le silence radio à l'antenne. Vous l'entendez, le silence? Tu l'entends? Tu veux le voir, le silence? Il saigne. Il saigne, le silence. Il te saigne dessus. Non mais qu'est-ce que tu crois d'abord? Tu crois que c'est silencieux un rat? Dieu? Silence? Tu crois que c'est silencieux un radio silence? Non mais tu crois qu'on est sur radio silence ou quoi? Mais vas-y, exprime-toi! Dis-le! Dis-le ce que c'est le silence, bordel! Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais me taire, c'est ça? Tu veux savoir? Tu veux savoir? C'est ça, hein? Pourquoi, hein? Toujours pourquoi, hein? Pourquoi le silence, d'après toi? Pourquoi le silence radio, d'abord? Vous l'entendez maintenant? Le silence, vous l'entendez? Alors qu'est-ce que vous croyez que ça fait, hein? Ça fait quoi, ça? À votre avis? Ça fait quoi, le silence? Vous savez, vous, au moins? Ouais. Silence, motherfuckers, everywhere. They're all motherfuckers, those bastards, those stupid twits. Tweeters, bass subwoofers, I don't give a fuck. Just record the silence, man. Just record the silence and send it to me. Do you really think I care? Of course I care, man. I'm just joking. Silence is everything to me. Just send me silence over the web and I'll send you a kiss. A kiss, man. Macarena. Le silence sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est nuisance. Ce soir, silence radio. Eh oui. Je croyais que c'est enregistré, hein, c'est ça. Eh ben non, non, silence radio. Que dalle, que dalle, que dalle ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Par moi qui tousse, bien sûr. Et qui sort des insanités obscènes. Comme aller tous vous faire foutre, par exemple. Quoi? Ils sont pas couchés, les petits, encore? Mais dites-le-moi quand ils sont couchés, bordel! Dites-le-moi en silence, au moins. Ou en chanson. Venez me le dire. Venez me le dire. Ça me fera plaisir! Ça me fera plaisir! De vous le dire, ce que c'est le silence. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre un peu? Vous voulez que je vous montre? Regardez, regardez ce que c'est le silence. Ça existe, le silence, c'est ça. Eh oui, c'était ça, le silence, avant l'ère du temps. Et maintenant, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut faire d'être silencieux? Ah, oui. wish I wish you a stupid fucking life. And I hope everybody's gonna die in silence and lonely as usual. I've got to be a silence full of shit. I wish myself a stupid fucking life. I wish myself a stupid, lonely, stupid fucking life. And I wish I were dead in silence. I wish I were dead in silence. I hope. Pour une fois, je vais vous traduire ce que je vais dire. Tiens. I hope, ça veut dire j'espère. I hope. I hope you will die one day. I hope, j'espère. You will. Vous. Avec un truc qui veut dire le futur. Viendra le temps où vous mourrez. En silence. I hope you will die one day. Non, one day, c'est un jour. Un jour, vous mourrez. J'espère qu'un jour vous mourrez. Allez, optimiste, venez interpréter les optimistes. J'aime les optimistes. J'espère que vous mourrez un jour. Alors le silence là-dedans. Le silence là-dedans. Là-dedans. À l'intérieur, le silence. À l'intérieur, le silence. J'ai dit. Oh, à l'intérieur, le silence. À l'intérieur, le silence. À l'intérieur, le silence. Le silence de l'intérieur. Le silence de l'intérieur. Le silence de l'intérieur. Je vais y arriver à me faire vomir. J'ai envie de gerber. Non, j'y arrive pas. Je veux gerber sur la table de mixage, sur le micro, sur tout le matériel. Je veux gerber sur le matériel de Canal Sud, oui, j'en ai envie. Parce que finalement, il déconne, alors j'ai envie de gerber dessus. J'ai envie de gerber dessus pour qu'il déconne encore plus, oui. Ça porte malheur de gerber, ça porte malheur de begère sur le matériel de Canal Sud, ça porte malheur au matériel de Canal Sud, de gerber sur le matériel de Canal Sud. Ça porte malheur de gerber. Oui, j'ai une idée. Je vais mettre un doigt dans la bouche. Bien au fond. Oh, c'est bon. Je peux le refaire si vous voulez. Ah, oh, c'est bon. C'est bon de vomir. Ou plutôt de se mettre un doigt dans la bouche. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais, j'ai pas à dire. Ah, j'ai pété vos enceintes, là. Ah, excusez-moi. Mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Le silence sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Ça va être long, 2 heures. Ça va être long. C'est vraiment une performance. 2 heures de silence comme ça, c'est trop. C'est trop pour nos petites oreilles. Nos petites oreilles, c'est trop. Nos petites oreilles, c'est trop. Nous, on veut pas d'oreilles pour avoir le silence. Nous, on veut pas d'oreilles pour avoir le silence. Prout, prout. Caca, prout. Caca, prout. Caca, prout. Caca, prout. Caca, prout. Allez, dans la musique, caca, prout. Faites de la musique pour faire caca, prout, prout, prout. Ouais, je rote et je pète à l'antenne, ouais. C'est pour mieux marquer le silence. Voilà, silence. Alors vous êtes où, là? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un, au moins? C'est pas pour rien que je diffuse du silence ce soir. C'est pas pour vous faire chier, mais bon, quoi. Vous avez pas changé encore? Vous avez pas changé de fréquence encore? C'est silencieux ce soir sur Canal Sud et Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit. Et ouais, voilà, on vous nuit par le silence ce soir. Et moi, je rigole tout seul, j'avoue, dans le studio. Mais ça me fait marrer quand même. C'est très intérieur. On dirait pas comme ça, mais je me marre. Ouais. Je m'esclave, quoi. Je suis plié en deux. Bordel de merde. Bon. Après ça, on va faire quoi, hein? On va tripoter des feuilles à rouler? Ou on va tripoter un paquet de tabac? Ou une casquette verte et beige? Ou peut-être une petite assiette qui sert de cendrier? Oh, de cendrier! Oh, de cendrier! Ah, j'ai trouvé une bouteille en plastique! En rythme et tout. C'est trop bon. Le silence ce soir sur Canal Sud. Yeah, yeah. I don't want to be the one with the butter. I don't want to be the one with the gold. I don't want to be the one with the... C'est quoi ce bordel? Mais qui c'est qui a réglé la table? C'est moi ça encore. Désolé. Ça va. C'est éteint. Ça pour marquer un peu plus de bruit, pour nuire. Ça pour faire le silence, c'était exprès. Mais c'était contrôlé. Venez voir les niveaux, je vous assure. Je vous assure, c'était contrôlé. Je n'en doute point. Je n'en doute point du tout, moi. Ah ouais, c'est ça. 2 ans d'émission et on n'arrive pas à contraindre la Larsen encore. C'est génial. J'avoue. 2 ans d'émission, non. Si, ou 1 an et demi peut-être. Ouais, tout comme ça. Silence sur Canal Sud. Et dans Nuisance. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est normal, il n'y a pas un CD qui tourne ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin pour faire du silence. De rien, il y a besoin. C'est ça qui est bien avec le silence, c'est qu'il n'y a besoin de rien pour le faire. C'est pas comme la vie, quoi. Il faut toujours quelque chose pour la vie, quoi. Mais non, nous, ce qu'on veut, c'est du silence et des dents jaunes de nicotine et de fougères. J'ai appris un mot. La semaine dernière, fougère, voilà, fougère. Allez vous faire fougère. Pour rester poli. J'espère que j'ai pété les plans pour vous. Hein. J'enregistre et tout. Hein. J'ai craqué à force. Non mais 2 heures de silence, c'est trop, c'est trop. C'est trop pour Al. Donc. Enfin. Trop, je sais pas, hein, y a pas grand chose, quoi, tu vois. Fait quand même 2 heures de rien, quoi. 2 heures de rein, ça va être un peu chaud. Un peu chaud à tenir, hein, oui, un peu chaud tout seul dans le studio. Du silence, nous ce qu'on veut c'est du silence. Ce qu'on veut c'est du silence, du silence, du silence. Quoi, vous n'aimez pas la musique, c'est ça? Vous dites que je nuis, carrément. Wow, ça c'est un joli effet, ça, de monter et descendre le volume comme ça, c'est beau, il faut l'écouter au casque, quoi. Écoutez-le au casque, vous allez voir, c'est génial, mais faites gaffe quand je l'arsène, quoi. Vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas, il y a rien sur Canal Sud ce soir, rien, il n'y a que dalle, il n'y a que dalle, vous êtes sur Silence Radio, une émission spéciale de nuisance, c'est la spéciale Silence Radio ce soir sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, canalsud.net, canalsud.net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, net, non, non. Non, non. Non, non. Interprétation, interprétation, interprétation, interprétation. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? On veut du silence, nous. Ce qu'on veut, c'est du silence radio. Oui, monsieur, dame. Oui, mesdames et messieurs. Ce qu'on veut ce soir, c'est du silence. C'est du silence. C'est du silence, c'est du silence, c'est du silence, c'est du silence, c'est du silence, c'est du silence, c'est du silence, c'est du silence, c'est du silence, mais pas mutisme. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. De la musique, c'est ça, hein, vous voulez pas du bruit, quoi, c'est ça, vous aimez pas le bruit, les gens, et ben voilà, vous aurez de la musique ce soir. Ah, c'est beau la musique! Ah, ouais, c'est beau la musique, y a pas à dire, c'est mieux que le silence radio en tout cas. Y a pas à dire, c'est mieux que le silence radio, la musique. La musique, c'est mieux que le silence radio, c'est mieux que nuisance qui nuit avec du bruit. Oui. Je vais me faire vomir. Je vais y arriver à me faire vomir sans mettre un doigt dans la bouche, quoi. Sans même mettre un doigt dans la bouche. Je vais vomir sur vos gueules de merde. Je vais vomir sur vos gueules de con. Oh là là, alors là. Alors là. On peut se le demander. On peut se poser la question même. Mais qui est là? Qui est là en train d'écouter? Personne! Personne! Alors qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ok? Vous en avez rien à battre, comme d'habitude. Vous faites que commenter des merdes. Alors voilà, commentez une merde pour une fois. Du silence radio sur Nuisance. Dans Nuisance. Ce soir, l'invité spécial de Nuisance, Silence Radio. Dans Nuisance. Oui, avec Al, Al, Al, du silence radio, Dio, Dio. Sur Nuisance, Nuisance, l'émission du silence. Avec Al, oui Al, oui Al, Al, la la la la la la la la la la. Vous voulez du silence? Vous allez avoir du silence. Du silence radio, ce soir sur Canal Sud 92.2 FM. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bon, Du silence ce soir sur Canal Sud. Ouais, chouette, chouette. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Du silence, on fait que dalle ce soir. Du silence, c'est tout ce qu'on fait, du silence, c'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait, du silence ce soir. On fait du silence ce soir, dans nuisance, on fait du silence, on dirait pas, mais c'est comme ça. Eh ouais, on va en faire un paquet de silence pour vous ce soir, les auditeurs. Vous en avez besoin, vous en avez franchement sacrément besoin. Non mais déjà, si vous écoutez Canal Sud, déjà vous n'avez pas beaucoup de silence dans votre vie. Alors vous en avez besoin. Ensuite, sans parler d'écouter Canal Sud, si vous regardez TF1 ou toutes ces merdes, si vous écoutez toutes les autres merdes qui existent, eh ben vous avez besoin de silence, vous avez besoin de silence. Sans comparaître devant un tribunal, franchement, mais vous avez besoin de silence, quoi. Vous avez besoin de silence. Alors je vais vous donner ce soir, moi, Al, dans nuisance, du silence. Ouais. Du silence. Ça va durer un moment, hein. Je vous préviens, si vous écoutez toute l'émission, ça va durer un moment. Ça dure 2 heures l'émission, ça commence à 9h, ça finit à 23h, je suis un peu à la bourre, mais disons un quart d'heure à la bourre. Ce qui veut dire qu'il y a quand même, avant que mon collègue, enfin mon cher, enfin le cher, enfin le producteur suivant, voilà, je vais essayer d'être quand même assez relativement sain d'esprit ce soir. Donc, juste avant que le gars, la personne qui vient après moi, qui va faire une émission, je crois que je vous présenterai, qui présentera lui-même, pour ne pas faire la continuité, ça c'est une rareté, les gens qui ne veulent pas faire la continuité, eh ben non, pas de continuité ce soir, sur nuisance, que du silence. Ce soir, dans nuisance, du silence, parce que finalement le silence c'est beau. C'est beau le silence. Oui, du silence, c'est romantique le silence. Alors pour tous les couples, mettez Canal Sud, 92.2 FM sur votre poste. À quoi ça sert de l'annoncer? Non mais c'est vrai ça. À quoi ça sert d'annoncer? À quoi ça sert de dire aux gens, vas-y, écoute Canal Sud? Non mais ça sert à rien. Vous écoutez Canal Sud ou vous écoutez pas, quoi. Si vous écoutez pas, vous en avez rien à foutre. Et si vous écoutez, bah ça se trouve, vous en avez rien à foutre non plus, quoi. Donc c'est génial. C'est génial. Ça sert à rien que je le dise, quoi. Finalement, je m'adresse à personne. I'm talking the whole fucking world. I'm saying this is stupid shit. This is silence. A nuisance. What a nuisance. Yeah. What a nuisance is silence. And this is the show that's all about it. It's all about the silence, man. And it's gonna last for fucking 2 hours. It's been lasting for like 40 minutes already. I don't know where I'm gonna go with this shit. But I do know I'm having fun. I'm having a fucking good time about it. Oh, oh, oh, oh, this is good shit. This is good, man. This is good silence, very, very, very, very, very, very, very good. Very good silence, it is, oh, oui, enculé, il s'est même pas marqué un but, silence, oui, oh, je me tais avant de boire un demi. Vive la France, la vie de la France et de la vie de France. J'ai même pas le droit de dire que la France est de la merde quand même, ça c'est ouf. Non mais sérieusement, c'est ouf ou pas? J'ai pas le droit de dire, artistiquement parlant, la France c'est de la merde, en pensant au contraire, genre spirituellement, en rigolant. Mais je plaisante, la France c'est pas de la merde. Mais non. J'essaie de convaincre qui là? Mais qui c'est que j'essaie de convaincre? Mais dites-moi. Non, pas la moitié de la population quand même. Pas les 3 quarts, pas les 9 dixièmes, pas les putains de 99%, quoi. Mais c'est quoi cette société? On peut pas se taire, quoi. On peut pas se taire. Il faut éteindre une machine pour pouvoir se taire. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Je comprends plus rien. Il faut m'expliquer, là. Non mais venez tout de suite. Tout de suite m'expliquer, sinon je pète les plombs à l'antenne, ok? Vous croyez pas, c'est ça, hein? Vous croyez que j'en suis pas capable? C'est ça, hein? Vous croyez que je suis pas capable de me péter la gueule sur la table? Boum, boum, la tronche la première sur la table de mixage et le micro dans la gueule et dans le... et dans le... et dans le... Allez, va, dis-le, pas 10 heures encore. Après 10 heures, je pourrais dire ce que je voudrais. Ce que je voudrais, je dirais, et je serai en silence, parce que ce soir c'est silence radio, et si on me demande qu'est-ce que t'as fait vendredi, j'ai fait une émission qui s'appelait Silence Radio sur Nuisance. Voilà, c'est ça, quoi. Alors me demandez pas ce que j'ai fait vendredi. C'est pas le moment, c'est pas le jour. C'est vraiment pas le moment de me demander ce que je fais en ce moment, non. Et m'appelez pas, ça sert à rien, c'est décroché. Ah, mais c'est ça, quoi. Vous faites visiter le silence et vous plaignez, quoi. Vous plaignez que ce soit moi qui vous fasse visiter le silence. Mais allez vous faire entuber par tous ces marchands de sable. Allez acheter du quartz en poudre. Et foutez-le dans vos yeux. Vous avez compris? Faites de beaux rêves. Mais en silence. Aïe. Le silence sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Dans l'émission qui s'intitule Nuisance avec un S à la fin, c'est pas écrit sur la grille. Quoique, ah si. Oh oui, c'est S entre parenthèses. S entre parenthèses. Donc. La la la. Allez, je vais vous remettre la pendule un peu. Non, j'ai déjà fait tout à l'heure. Je vais pas vous mettre la pendule, ça fait cloc. Cloc, cloc, cloc, cloc. Vous m'entendez? Je suis là, je suis dans une boîte de conserve. Je vous parle d'une boîte de conserve attachée à un fil qui se fout dans votre poste radio. Et voilà, la boîte de conserve radio est là. La boîte de conserve radio est là pour vous ce soir. Et elle fait absolument rien. Ça s'appelle Silence Radio. Et c'est dans Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Et ce soir, c'est le silence qui est à l'œuvre. Oui, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs. Le silence, c'est beau le silence, n'est-ce pas, hein? Espèce de... Il n'est pas 10 heures encore. Toujours pas 10 heures. Quand est-ce que ça va se réveiller dans ce monde pourri? J'en ai marre. Bon. C'est pas tout ça, mais quand même, quoi. Ce serait bien si je pouvais dire des trucs. Alors vivement 10 heures, parce que là, je me retiens, j'en ai marre, vous comprenez? J'en ai marre. Bon. J'en ai pas marre du silence, par contre. C'est bien de ce que je dis que j'en ai marre. Oui, c'est de ce que je dis que j'ai marre. J'en ai marre de dire. Il faudrait que je me mente. Comme ça, j'aurais pas besoin de dire. Il faudrait que je me mente. Il faudrait que je me dise, t'as pas besoin de dire aux gens ce qu'ils ont besoin de savoir. Non, ça sert à rien. Parce qu'ils le savent pas. Et ils le sauront jamais. Les gens, ils peuvent pas savoir ce qu'ils veulent pas savoir. N'est-ce pas? Il est bientôt 10h. Je me fie pas à l'horloge de Canal Sud. Je me fie pas à l'horloge de Canal Sud parce qu'elle est peut-être fausse. L'horloge de Canal Sud est peut-être fausse. Alors je ne m'autorise toujours pas à dire des choses obscènes, vulgaires, arrogantes. Arrogantes j'ai fait. Dégueulasse, j'ai peut-être fait, mais sans vouloir offenser personne. Alors j'enregistre l'émission pour être sûr que je ne dise rien d'obscène trop, quoi, je veux dire. J'en ai marre d'avoir cet état d'esprit, mais c'est ça, quoi. Et c'est pas Canal Sud qui me le dit. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui me dis ça. Non mais c'est quoi ce monde de merde? Il est 10h ou pas? Putain, sur l'horloge de Canal Sud, il est 10h01, mais est-ce qu'il est vraiment 10h? Sur ma montre, il est 10h moins quelques secondes. J'ai pas la putain d'aiguille qui fait les secondes, bordel! Alors, le silence sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est dans l'émission Nuisance, il est 22h. Allez, je vais dire, oh là là, il est presque 22h pour être sûr de vraiment être toléré! Tolérable au moins! Bordel de chiottes! Est-ce qu'il est enfin 10h? Vous pouvez me le dire, ça? Il faut vérifier sur l'ordinateur. J'ai pas quitté le poste. Faut que je fasse le silence radio ce soir. Faut pas que je quitte la table de mixage. Je dois rester là, dans vos petites oreilles. Je vais rester là, en permanence, dans vos petites oreilles, pour ce soir, dans Nuisance. C'est le silence qui a l'honneur. C'est bien, non? C'est une bonne idée, quand même. Je trouve que je m'amuse bien, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment l'émission la plus originale que j'ai jamais faite, ok? Ah, vous avez entendu ça? Non, mais ça n'a rien à voir avec le silence, mais presque, quoi. Ils ont réduit au silence une épicerie de nuit. Eh oui, une épicerie de nuit réduite au silence. Le silence, ce soir, dans Nuisance, c'est pour vous, tout le monde. Tout le monde entier. C'est pour le monde entier. Pour une fois que je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre que moi. C'est pour moi aussi. Oui, mais je suis parti du monde entier, c'est vrai. J'avais oublié. J'avais zappé cette histoire. Je fais donc partie de ce monde. Ah, mais il est 22h! Il est 22h! Je vais pouvoir dire des saloperies, des merdes, des putains de chiottes, des enculades, des bitures, du foutre dans la bouche de mal. Oui, dans la bouche de mal, du foutre partout, du foutre dans le nez, au fond du nez, dans le silence, du foutre. Ah oui, et les pieds qui puent la merde! Les pieds qui puent la merde! Les pieds qui puent la merde! Oui, c'est bon! C'est bon! Je peux enfin dire ce que je veux, il est 22h04, je crois, j'espère, sinon je suis dans l'illégalité, je fous toute la maison en l'air, toute cette putain de baraque est foutue en l'air si j'ai fait une connerie, et j'en ai déjà fait une, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai fait un larcène, c'est pas bon ça, c'est pas bon, bordel de chiottes, comment je vais faire maintenant, il est 22h, je peux me lâcher, je peux enfin faire le silence dans ma tête, allez tous vous faire enculer, bande de bâtards, vous êtes tous des merdes, vous êtes tous des chiottes, des putains de dermes qui puent du cul, qui puent du cul, qui puent la merde du cul, oui c'est beau en chanson, la musique est belle, et oui la merde c'est beau aussi, c'est vous la beauté, la merde, oui vous êtes vraiment des enculeries de chiottes, le silence est en train de se faire, le silence n'est pas mutisme, le silence ce n'est pas mutisme sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net et c'est dans l'émission Nuisance avec Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Putain, j'ai soif en plus. Oh, je peux pas quitter le poste, comment ça va? C'est quoi cette langue? Non mais vraiment, je vais essayer un truc. Je vais baisser le casque, vous êtes témoin, enfin c'est vraiment ce que je fais. Je baisse le casque, je vais poser le casque et ça risque de faire un larcène. Mais si je mets pas un gain à fond, je chope pas les bruits alentour. Donc vous m'entendrez pas revenir. Et moi ce que je voudrais, ce serait de m'entendre revenir sur l'enregistrement. Je me suis jamais entendu arriver. Voilà, c'est ça. Eh oui, je peux pas m'entendre arriver, c'est évident. Donc, voilà, je vais enfin pouvoir le faire ce soir dans Nuisance. Oui, Nuisance ce soir, c'est l'émission du silence. Vous m'entendez toujours? Bon, j'ai plus le casque sur les oreilles, donc là, je vais monter un peu le gain. Je vais m'éloigner. Vous m'entendez? Ouais, c'est ça, vous m'entendez bien en plus. Ouais, vous m'entendez à donf? Mais c'est des chiffres. Ah, allez, à tout de suite, à tout de suite. baisser un peu. Voilà. Donc je vais pouvoir m'entendre revenir. C'est génial. Dans le silence, je vais m'entendre revenir. Enfin, je sais pas, en s'entend le silence, quoi. Pouah, j'y comprends plus rien, quoi. Franchement, là, ça commence à me saouler. Bon. Pardon, je rote et je pète. C'est nuisance, ça vous nuit, c'est parfait. C'est concept ? Non. Non, c'est pas concept, c'est trop con. Ouais, ça, sûrement. Ouais. C'est bien l'eau, mais ça fait roter, quoi. Si on la boit trop vite. Ouah, ça déchire, il y a des gars qui ont mis des skulls en haut. Ouah, c'est trop de la balle. Putain, ça déchire, quoi. Ça, c'est Yo, c'est un pote à moi, il a mis des scuds. Je vous décris le studio de canal, c'est un truc cubicule. Parce que j'ai voulu dire cubicule, parce que cubicule. Ça me fait rire. Ouais, donc il y a des scuds en fait dans le faux plafond. Ils ont calé des scuds. Enfin, Yo, il a scalé un scud de Eddie Mitchell, si je ne me trompe. Eddie Mitchell, c'est Je ne sais faire que l'amour. Je ne sais faire que l'amour d'Eddie Mitchell. On va pas l'écouter. Ah bah non, ça c'est sûr. D'ailleurs, il a cramé à moitié avec son briquet. Ça, ah, faut peut-être l'écouter. Non, j'ai dit silence. Donc silence ce soir sur Canal Sud 92.2. Ah, puis merde. Non, je vais pas y arriver. Hein. Je vais pas y arriver au silence ce soir. Ça va pas être possible dans Nuisance de faire du silence. Je le sens. Je le sens. Même pas plus de putain de je sais pas. Bah, j'ai dû faire un petit 15 secondes tout à l'heure. Faut que je regarde, mais j'ai pas... Mais... Ah oui, il faudrait que je minute sur l'horloge de Canal Sud. La petite aiguille qui est la plus grande. Non, c'est la grande aiguille. L'aiguille des secondes, quoi, qui défile. Le numéro, si vous voulez, ne pas m'appeler, parce que j'ai décroché. Je voulais silence. Je voulais surtout pas entendre le téléphone ce soir. J'ai éteint mon téléphone aussi. Alors là, téléphone, internet, peut-être. Oui, internet pour écouter Canal Sud.net, mais à part ça, non. Ah, que dalle. Je refuse. Ce soir, je ne suis pas internet. Allez, nous sommes localité, ici. Localité. Le lieu importe. Il importe. Il importe. Le lieu, oui. Ha. C'est comme ça. C'est humain. Qu'est-ce que tu veux ? Eh oui, c'est humain. C'est bête. C'est bêtement humain. Ouais. Après, tu dis que je déprime, mec. Qui c'est qui déprime ? C'est toi qui déprime, c'est pas moi. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Ouh, ça devient d'un risque. Ouh, ça c'est pas bon ça. Hein. Ça c'est pas bon. Hein. Non, c'est mon imagination. C'est mon imagination. N'est-ce pas ? C'est mon imagination. Oui. C'est mon imagination qui fait ça dans ma tête. Partout. Du silence. Du silence radio ce soir sur Canal Sud. Dans l'émission Nuisance avec Al. Toujours le même Al. Qui ne changera donc jamais. Et oui, c'est ça aussi, ne pas changer. Alors changer un peu. C'est bien, non ? C'est pas bien de changer des fois ? Hein ? Al ? Ça le fait, non, de changer des fois ? Ouais, ça le fait des fois. Ouais. Des fois. Interview de Al par Al. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est pas du déjà vu, ça. Ah non, ça, c'est pas du déjà vu. Ah, bah ça, non. Ah non, ça, c'est pas du déjà vu. Déjà, j'en ai foutu de faire du déjà vu. Je l'ai jamais fait. Interview de Al par Al. Alors, qu'est-ce... Comment fais-tu ce que tu fais ? Je le fais comme je le fais. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne réponse. Une bonne question, en plus. Allez, on continue. Who ? Al, voilà. Who ? Qui ? C'est moi. Al. Et ensuite, ah, vous n'en saurez pas plus. Ah, désolé. Ah non. Je me réserve un peu d'intimité. Merci. Au revoir, à part ma transparence. Bon, allez, je vous laisse. Par contre, oui, je suis là. Oui. Bon. Je suis fatigué. Bon, qu'est-ce que je disais ? How ? Who ? Why ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je le souhaite. Et oui, c'est parce que je le souhaite. Je vous le souhaite. Ouais. Oui, c'est accordé. Accordé. Mais bien sûr. Quoi ? Vous doutez ? Non, mais c'est pas grave. Allez, ce soir, silence. Donc, on va chercher le silence. Silence n'est pas mutisme, je vous rappelle. Sur Canal Sud 92.2 FM, il est bientôt 22h15, j'espère. Sinon, je suis vraiment dans la merde parce que j'ai dit enculerie, bâtard, sale putain. Fais chier, bordel ! Il y en a marre. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a marre. C'est pas assez fort. Je vais mettre plus fort. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Sur Canal Sud 92.2 FM. C'est moi, Al, qui dit il y en a marre. Ça n'a rien à voir avec Canal Sud. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire le nom de la radio. J'assume entièrement mes propos de merde, qui puent la merde, qui font chier tout le monde et surtout moi. Donc j'assume entièrement l'interview de Al Baral après How, Who, Why. Qu'est-ce qu'il nous reste? Mémoire, oh mémoire. En fumant de la fougère, c'est un peu difficile de se souvenir de quoi on parle. Certains parlaient des... Oui, je me souviens. Merci l'équipe. J'y suis presque. Je vais arriver à atteindre le silence, bordel. Alors, comment, pourquoi, qui, quand? Quand? Maintenant. Bien sûr, à présent, tout le temps. Maintenant, tout le temps, maintenant. Tout le temps, à présent, dans l'instant. Tout le temps, là, là. Je suis là, je suis là. Voilà. Je suis Al, je suis là pour vous ce soir. Comment? Comme je le souhaite. Oui, lapsus révélateur, je ne me souviens absolument pas de la cinquième question. Si, j'ai passé la quatrième. J'ai passé la quatrième, je ne me souviens même plus. Ah, quand on se sent bien comme je me sens bien aujourd'hui, il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment de quoi rire. Il y a vraiment de quoi se lever le matin et rire. Oui, ha ha ha. Alors on fait l'émission quand même. Oui, je fais l'émission. C'est le seul truc que j'ai fait quand même. J'ai même pas été au boulot, les gens. J'ai même pas été au taf, j'avoue. Je me sentais pas bien ce matin. Et j'avoue, c'est vrai. C'est très, très vrai. C'est très, très vrai. Très, très, très, très. C'est très vrai. Ce soir, je me sens pas beaucoup mieux. Et on s'en fout. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la nouvelle, l'exclusivité. Oui, ce qu'on veut, c'est de l'exclusivité. Bordel, j'en ai marre. C'est un monde de merde. J'ai pas pu le dire tout à l'heure, et la France, c'est à chier. Comme les States, comme tous les autres pays. On s'en fout de ces conneries. Tous ces enculés, des bâtards. Des fils de leur putain de base, j'en ai marre de dire des conneries tout le temps. Mais ça, c'était pas... ça, c'était une connerie. Parce que le dernier truc que je viens de dire, les deux derniers trucs, on va dire, truc et demi que je viens de dire là, ça c'était une connerie. Et je peux pas l'enlever. Je peux pas. C'est pas possible. Ok? Voilà. J'étais trop loin sur ce coup-là. Juste avant, c'était bon par contre. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon. J'espère que je vais vous nuire ce soir. Hein, parce que là, ça serait vraiment à chier si je vous nuisais pas, quoi. Du verbe nuire, tu sais. Nuisance. Nuisance. Nuisance. La la la. La la la la. Nuisance ce soir sur Canal Sud. Canal Sud. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. J'ai failli oublier le thème de ce soir. Toutes mes conneries. Attends, non, je finis quand même l'interview de l'invité. Alors, t'es qui? T'es quoi? Ben où? Ici? Comment? Comme ça. Vous voyez bien. Et qui, comment, comme ça. Pourquoi? Parce que je le souhaite. Putain. Ça fait combien de questions, ça? Ça se trouve, j'en ai 5, là. Non, mais depuis tout à l'heure, je me casse la tête. Alors, j'ai fait comment? How? Comment comme ça, quoi, tu vois. Comment ça? Deux. Qui? C'est Al. Quand? Maintenant? Why? Parce que je le souhaite. Comment? Oh putain, je ne sais plus la réponse. On s'en fout, je l'ai déjà répondu. C'est enregistré. Et ensuite, c'était la cinquième question. Donc invité. Invité, la cinquième question. How? Why? When? Ouais. Putain, c'est grave. C'est HWWH. Oh là là là là. J'hallucine. Non mais franchement, on a beau me répéter les trucs intelligents, je me souviens que dalle, quoi. J'arrive pas. Je me dis que c'est bête. C'est pour ça que je me souviens pas. T'sais. C'est pourtant c'est des bons trucs et astuces, quoi. Mais que dalle, quoi. Que dalle. Que dalle. Merde. Bon, ben on va dire que c'est fait quand même, l'interview de Hal par Hal. Moi, je l'aurais fait une fois et je l'ai foiré. Voilà, comme ça c'est dit, je le dirai à tout le monde. J'ai foiré mon interview. Vous êtes témoin, non? C'est vrai? Ou je suis pas si naturel? Bon, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, ils nous enculent tous. Donc, on était sur Nuisance et voilà, enfin j'ai fini cette interview de merde d'un invité qui fait sa chiotte comme d'habitude et sa merde qui pue. Ouais, c'est ça. C'est ça, signé Hal. Elle est la cousin. Elle est là, zinc. Elle est là. Égal. Grosse merde. Ce soir. Eh ben, c'est pas ça le thème. Ce soir, le seul thème, c'est le silence radio. Oui. Allez, un petit peu de silence radio pour vous ce soir sur canalsud.net. Tonight is radio silence for you and everybody. Everybody's getting radio silence tonight. Tonight, just radio silence for all you folks out there. Just fucking stupid motherfucking bitch ass motherfucking asshole motherfucking silence. Vous avez vu le décrescendo que j'ai fait? Non, mais c'est ça déchire, non? Oh, j'ai fait un décrescendo pourri et foiré, c'est génial! Bon, ça explique tout, hein? Non, mais là, ce soir, c'est didactique à mort! Didactique ou dialectique? Putain, je me souviens plus. Dialectique! Merde, non, didactique? Ah, dialectique. Pédagogique! Pédagogique, pédog, god, geek, dans le cul. Voilà, ce soir sur Canal Sud, sans rien prendre, pas de produit, y'a pas besoin. Pas un petit peu de fougère, mais ça va quoi. Ça gère. Non, que dalle, je vous assure, que dalle. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, on arrête. Là, je vais un peu trop loin quoi. Pour moi, hein, déjà, ça le fout l'âme. Oh putain. Faut vraiment que je change quoi, les gars, les gens, là, tout le monde. Faut vraiment que je change, je vous le dirai pas en face, alors voilà quoi. Je fais ce que je peux. Je fais vraiment ce que je peux quoi. J'essaie vraiment de faire tout ce que je peux. Pour faire le silence radio ce soir sur Canal Sud, dans Nuisance. Macarena. Allez, deuxième fois que je le dis, j'ai même fait le thème là tout à l'heure, c'est bon. Jamais 203, on a même passé cette bêtise humaine que les proverbes de chiottes. Genre, ça veut dire approximativement, quoi. Ok ? Approximativement. Précisément, ça veut dire approximativement, ok? Alors venez pas me prendre la tête, s'il vous plaît. Ce soir, je fais Silence Radio sur Canal Sud. Et oui, dans Nuisance, l'émission de toutes les nuisances pour vous ce soir. For you tonight, everybody, just fucking radio, stupid fucking motherfucking silence on your stupid fucking faces. I'm jism, I'm coming, I'm jismin in your jism. Oh shit, what am I saying? I don't give a fuck. I don't give a fuck about myself. I don't give a fuck about you. I don't give a fuck about anybody. Everybody is just a stupid motherfucking, just the stupidest motherfucking shit you can find in your stupid motherfucking lives. I hate myself. You will all die. We will all die tonight. And we will all die, I hope, tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. We will all die, I hope. Voilà. Je me prends pour Bert Lancaster dans Shoot-moi, espèce de vieille salope. Un truc comme ça, t'sais. Shoot-moi dans les boules. Ça, c'est le film que je préfère. Shoot-moi dans les boules avec tes Santiago, avec la coque en ferraille bien pointue. Pas dans les boules. Avec Burt Lancaster, dans le rôle, je sais pas, je dis des conneries, putain, on peut pas parler. Pas dire de conneries dans ce monde de chiottes. On peut rien dire, quoi. C'est tout pour moi, les conneries. C'est ça qui fait le silence, à la fin. On dit une connerie, bah, silence. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon le silence. Hein, c'est bon. Pourquoi on me dit que c'est un silence de mort et tout à chaque fois? Qui c'est qui dit ça d'ailleurs? Ah là, là là, c'est triste. Bon, silence radio ce soir sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Je m'autorise à peine à l'annoncer en fait, hein. Je participe pas à l'émission là, je suis invité, c'était mon idée, c'est conceptuel. C'est pas le truc avec John Cage, ça n'a rien à voir. Hein. Alors là je vous le dis, hein. C'est plutôt pour vous nuire en fait. Lui c'était pour vous faire écouter, le silence. Moi c'est pour vous nuire, tout simplement. Oui. Et comment je vous nuis? Eh ben, je ne le sais pas moi-même, mais je sais que je vous nuis. Alors là, je le sais. Alors là, j'ai confiance en moi pour ça. Je sais que je vous nuis ce soir sur Canal Sud et dans Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Silence radio. Piche. En fait, ça avait l'air dur tout à l'heure, mais c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Ça avait l'air dur tout à l'heure, avant 10h. Mais là, je peux dire merde, enculé, fils de pute. J'en ai rien à foutre, finalement. C'est que des mots de merde. Hein. Ça, c'est que des mots de merde. On le dit même. On le dit, quoi. Ça, c'est des mots, des gros mots, quoi. Des mots de merde. Donc, pas besoin de les dire en public. Je peux les dire en privé. Là, je suis tout seul à Canal. Et tout le monde peut écouter, quoi. Tout le monde peut écouter, faire le voyeur. C'est génial. L'auditeur. Excusez-moi. Vous pouvez voir, écouter, ça déchire, non ? Nuisance, c'est tout. Ouais, je vais regarder dans la glace, c'est trop fort. Je fais une tronche. Je fais des tronches et tout, c'est trop fort. Je préfère pas me regarder finalement. C'est trop bon. Oh là là, ça c'est nuit, ça nuit. La nuisance, c'est la connerie. C'est la connerie, la nuisance. C'est ça qui nous nuit, la connerie. La connerie, c'est le bruit. Le bruit, c'est quoi ? C'est nous. C'est la bêtise humaine. L'humanité, bêtise. L'humanité égale bêtise. On s'en fout des dieux et tout ça. C'est pareil. C'est l'humanité qui est bêtise. Pas besoin de dire Dieu est bête. Non, c'est l'homme qui est bête. L'être humain, je veux dire. La femme, l'homme, c'est pareil. Je veux dire, l'être humain, quoi. C'est pas exactement pareil. Mais c'est la somme de tout. C'est... Finalement, ce qui importe dans le tout, c'est pas la pyramide. C'est l'œsophage. Vous chiez à la gueule. Allez vous faire enculer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais sérieusement. Si le ressenti est bon, on peut dire ce qu'on veut. Non, non, je fais le fourbe, là. J'avoue, je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Si le ressenti est bon... Tout va bien, ouais, c'est ça. Il ne manquerait plus que ça. Je suis sûr, les pires merdes, quoi. Ils se sentent bien. Il y en a qui se suicident dans l'eau, mais c'est bon, ça. C'est bien pour eux. Ça les sauve. Ils ne méritaient pas de vivre, ces pauvres. Ah là là, ces pauvres gens. Partout, des pauvres gens, quoi. Je veux dire, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, en thunes. C'est pareil, c'est des pauvres gens, ces gens. Qu'ils soient riches et qu'ils aient une éducation de merde et qu'ils sachent tout. Et que c'est que de la connaissance, c'est de la merde. Ça vaut rien à la fin. Qu'est-ce que tu vas amasser des thunes, de la richesse intellectuelle de merde? Ça va te faire quoi à la fin? Hein? Rien. Tu seras mort. Morte. Rien à foutre. Silence radio sur canalsud.net. Allez, écoutez ça, c'est nuisance. Voilà, je suis de retour, vous avez eu du silence radio, et oui, il y a quelqu'un qui est venu à la porte, donc voilà, quoi. Il n'écoute pas en ce moment même, je sais, puisqu'il n'a pas le truc audité, machin, quoi. Qui va se faire mettre, quoi. J'en ai rien à foutre, ça sale tronche, quoi. Tu vois très bien de qui je parle, quoi. toi, à qui je parle. Tu vois très bien à qui je parle, un grand connard. Tu sais, j'en ai rien à foutre, quoi, qui aille sur foot, quoi. Et je parle pas de celui-là, non, je parle d'un autre. Et c'est tous des mêmes, quoi. C'est des connards. C'est des enculés, tous ces merdes. Bon, passons. Silence Radio sur Canal Sud. Enfin, c'est pas tellement Canal Sud, c'est plutôt l'émission Nuisance, surtout, qu'il faut retenir. Pour une fois, oubliez Canal Sud et pensez à Nuisance. Nuisance du verbe nuire. Comme nuisant, c'est un participe présent, je sais pas quoi, j'ai mis trop de basses, on m'entend pas, on me comprend pas. Je répète, nuisance, nuisance, nuisance, 1-2, 1-2. Nuisance sur Canal Sud, la radio de toutes les émissions de nuisance pour l'instant, puisque je n'ai fait des émissions de nuisance qu'à Canal Sud, oui, c'est vrai. J'avoue, chers auditeurs et chères auditrices, si j'avais été galant pour mater vos culs, chères auditrices, j'aurais mis chères auditrices avant, chers auditeurs. Mais ce n'est pas fait, ou plutôt si. Voilà. Pour vous ce soir, hein. Du silence radio. Oh, c'est bien. Waouh. Ouais. Ah, c'est trop. Trop fort. Trop fort. Mieux que John Cage. Mieux que toutes les merdes, de toute le merde, toute la merde, toutes ces merdes, de putain de merde. Je veux dire, non, je retire putain. Non, j'en ai rien à foutre. Putain de merde, c'est péjoratif. Je sais pas exactement pourquoi, mais disons, philosophiquement parlant. Je trouve pas ça péjoratif, peut-être. D'être. Enfin bon, on s'en fout, quoi. Allez, naissons, nuisons à nos mamans en naissant. Voilà, nuisance, silence. On ne parle pas quand on est. On crie parce qu'on nous frappe. Silence radio sur Canal Sud. Dans les studios de Canal Sud en live. Et bah oui, sinon c'est pas ça, quoi. Mais je vais l'enregistrer, si vous le voulez. Si vous la voulez, cette émission, je l'ai en MP3, non. Ok ? Alors si vous la voulez, c'est la meilleure émission que j'ai faite depuis le début. Hein. Vous pouvez ne pas me croire, mais c'est vrai. Hein. Franchement, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, vous pouvez dire que c'est pas de l'art thérapie, vous pouvez dire que c'est de la merde, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais là, rien à foutre. Mais dites-le vous entre vous, derrière mon dos, j'en ai rien à battre, ça m'arrange. J'ai pas besoin d'écouter vos merdes, là, tu sais. Ok ? Gardez vos avis, même les bons avis. Franchement, je veux pas savoir, en fait. J'en ai rien à foutre, quoi. Je le fais vraiment pour personne, même pas pour moi, ok ? Je le fais même pas, ok, dans ma tête. Je le fais même pas dans ma tête, ok ? Dans ma tête, c'est le silence radio. Silence. Mais pas besoin de toutes ces merdes, ok, les gens? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Vous voulez militer pour ci, pour ça? Mais putain! Et je milite pour quoi, moi? Je milite pour la merde, quoi. Pour votre merde. Vous me lâchez tous autant que vous êtes. Je parle à tout le monde. Vous me chiez tous sur la gueule, quoi. Et j'en ai rien à foutre. Je la bouffe, votre merde, ok? Je la baise, votre merde. Je me la fous dans le cul, votre merde. Je la garde pour plus tard, votre merde. J'élève mes mouches et mes vers et putain, toutes mes sales mochetées comme Niakwe, comme putain de Bougnoul et toutes ces merdes là. Tout ça, c'est tout de la merde pour moi. Vous comprenez ça? Alors allez-y, c'est enregistré. Je dis de la merde ce soir. Allez-y, interprétez ça comme vous voulez. Mais n'allez pas revenir sur la maison, quoi. La maison, elle est là. Il faut la laisser là. Vous entendez? Allez crever dans votre coin, quoi. Et pas dans la maison, ça pue dans la maison. Si vous crevez là-dedans, ok ? Compris ? Putain, faut tout leur dire à ces gens. Il y a des cimetières d'éléphants, tu sais ? Il y a des cimetières d'éléphants, tu sais ? Toi, là-bas, à qui je m'adresse ? Hein, tu sais, toi ? À qui je m'adresse ? Eh ben non, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est à quelqu'un d'autre. C'est même pas à moi. Je m'ignore, moi. Ok ? Compris ? C'est ça le silence. C'est ça le non-mutisme. Parce que silence et non-mutisme. Mutisme n'est pas silence. Alors silence et non-mutisme. Voilà, c'est ça. Non-mutisme. Allez, ça va pas durer trop longtemps. Excusez les voisins. Je suis obligé de parler fort. C'est le silence ce soir. Le silence qui est mis en avant. Vous l'entendez, le silence ? C'est pour vous ce soir. Et uniquement ce soir. Il y en a besoin dans Nuisance ce soir. Il y en a besoin. C'est pas morbide. Ça n'a rien à voir. Si vous croyez que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, rien à voir, vous êtes ouf. Il y a sûrement des gens qui sont morts, mais je les connais pas ceux-là. Et puis si on me le dit après, voilà, qu'il y a quelqu'un qui est mort ce soir, je serai là, merde. J'en ai rien à foutre, je suis pas superstitieux. J'ai pas été élevé comme ça pour rien. Moi, je suis un gros connard, j'en ai rien à foutre, compris ? Ce soir, c'est silence pour vous, les auditeurs de la radio, sur Nuisance. Les auditeurs de Nuisance, l'émission Nuisance qui nuit. C'est silence ce soir. Silence radio. Eh oui, pour vous. En signe de contestation, silence, tu vois ? Je me tais. En signe de contestation, ça marche vachement. C'est très clair, le message. On se tait. C'est trop con. On dit rien. C'est ça, c'est des bons signes, quoi. Ça, c'est du bon message, ça. Ça, c'est du message. Ah oui, on va se taire, tiens. On va se taire. On va rien dire. On va rien dire. Oh, voilà, c'est bon. On sait. On se tait, enfin. On va prier. On va prier notre cul, ouais. On va foutre un doigt dans le cul, on va prier. Ça, ça va être bon, ça. On va prier avec un doigt dans le cul, quoi. Tu vois, genre, c'est ça, la vulgarité. Ça aide quand même à comprendre le truc, tu vois. À comprendre ta connerie, mec. Ou ta connerie, meuf, ou quoi que ce soit, tu vois. Vas-y, va te pendre. J'en ai rien à foutre. T'entends des saloperies? Va te pendre. Mais écoute bien, quoi. C'est pas des saloperies, ce que je dis. Ce soir, c'est le truc le plus intelligent que je viens de dire depuis un moment, ok? Silence radio, dans Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Oui, réfléchissons bien à la chose. J'ai bien tenu là, je sais pas, bon, j'ai pas regardé l'horloge, 30 secondes, je sais. J'ai tenu un peu loin là, vous avez apprécié le silence radio ? Vous avez apprécié le silence radio ? Ah bah oui, c'est pour vous, c'est un cadeau, vous en avez besoin, sérieusement vous en avez besoin. Moi aussi j'en ai besoin, on a tous besoin, donc en fait c'est pour nous tous, voilà. Ce soir c'est silence radio dans Nuisance. Je suis encore dire des saloperies, en anglais un peu pour changer, comme ça vous comprendrez pas. De toute manière, ce sera pas censuré, c'est de l'anglais où on peut dire fuck, cunt, motherfucking bitches, motherfuckers, all the time. I hate you. I don't give a fuck. I'd rather die than be with you. I'd rather die, it's all your fault. You're all gonna die too, so why don't you die now, okay? 2012, motherfuckers, I don't give a shit. Who cares, man, we're gonna die anyway. Just fucking appreciate what you've got. That's not much, you know. You're just fucking so stupid. You can't appreciate motherfucking shit, you know. So just fucking shut up and just fucking be silent. Like tonight is like radio silence for you on Canal Sud 92.2 megahertz in Toulouse, France, or CanalSud.net, man or girl. Or whatever you fucking say, I should go to the States. I'm losing my fucking accent. So fucking Americans, just come to my fucking place and goddamn stay there for like 2 or 3 months and give me your accent. And I'll give you my French stupid fucking motherfucking accent in your faces. And you'll be laughing on my face and I'll be giggling in my stupid beard. Okay? So bring your fucking ass here and be silent with me. Silence. Radio silence for you all over the world. Radio silence. Radio silence. Radio silence for you all, you motherfucking bitch ass motherfucker everywhere. I don't give a shit. I don't give a cunt ass motherfucking shit. That's all the stupid vocabulary I got is fuck you and fuck you all. So fuck them all is what I say. I just say fuck them all the time. Just fuck them all. Fuck them all. A nuisance. This is a fucking nuisance here. I'm doing this fucking nuisance for you, man. Okay, dude? This is for you. Radio silence for you. This is goddamn performance here. damn, this is a goddamn performance. I've got to say, this is the best motherfucking show I've ever fucking done, man. This is great. I love it. I love it. I'd rather stick myself up my ass than be here, but I don't care. I still do love it. And I've got an ashtray. I can smoke marijuana everywhere in my fucking life. I love this place. I'm a pothead and I love my life. I love my life and I'm giggling away. Giggling, gliggling, away on this stupid, foolish train. Hallways everywhere filled with people. Stupid ass fucking people talking to me, telling me to go away, that I'm stupid, that I should kill my mother. What? I should kill my mother? I don't even know who my mother is. I don't give a fuck. Who is she? She's just this person. She's changed. She can be anybody at this time. I don't know. She's there, but I'm not there. I'm here. And my mother or my father, they're just people to me, okay? They're nice and okay with me, but they're just people. So leave them alone, okay? And I'll leave you alone too, but I won't leave you alone for long because I just hate everybody, and I piss ass on your motherfucking asses all the time, okay? Everybody. Just so stupid world. This is a stupid fucking world, okay? You're not gonna live very long, man. I know I'm not gonna live very long, and I don't care. I don't care, and I certainly hope I'm gonna fuck you up all your fucking lives. Stupid people everywhere. Just being so bitter and acid and acrid and fucking rancid on your stupid tapes and everywhere, people just jolting and jumping up and down and fucking on the benches. The benches are not meant to be skated on, okay? The benches are meant to be fucked on. You've got to have these bars everywhere and these spikes for you to fall on when you've got a dick up your ass and you're spitting cum and you've got this blood in your cunt. I know you're gonna die. I know I'm gonna die. You're all gonna die. We're gonna die. Who cares? Who cares anyway? Just kill yourself. I care, man. I will. I will kill myself, man. And I'll be happy about it once I'm dead, okay? So don't fucking come to my place. Just stay at yours. And fuck us. Fuck them. Fuck you. Fuck me. Fuck everybody, fuck them all, that's what I say, okay? Silence, radio silence for you. It's done, I've prepared it, it's already, it's here, it's now, it's everywhere in the fucking world, and even aliens can get it through the message. The message is here, they've got the key to the radio silence. We've always got it with me. I'm so sorry. I'm so pissed off at everybody. You can always stay that way. You can stay that way all the time. What? You got a better solution? You want to stay nice all the time? Just be nice with people? What for? Why, are they nice to you? Oh, is that why? I mean, who's nice to whom now? Okay? I'm a people too. Am I being nice to you? Okay. So I'm being nice to you now. I'm gonna punch your balls in and eat your cum and spit it in your bloody face, stupid fuck. There. You got it. I hope you got the message. The message is I hate all of you. All of the people in the whole world for being so stupid and just doing stuff and just not doing stuff. I don't care. It's the same thing. I hate myself so much. I hate y'all so much. I just say all the time, fuck 'em all. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. Who's afraid of the big bad wolf? Not us. We're the stupid pigs. It's a big fucking world and a stupid life, and I hate it so much I will not strive on. This is the end, my friend, the end of the silence. Yes, this is the end of the silence, and this is the beginning of the silence. And this is the end of the silence again. Boom. Radio silence for you, everybody, everywhere. Radio silence for you. Un petit rot ? Allez, tradition oblige. Un petit rot. D'ennuisance, oui, ça vous nuit, c'est le but. C'est conceptuel et c'est très spirituel. Très spirituel. Prout. Caca boudin. Oui, c'est vrai. Il faut dire ce qui est. Ça pue. C'est puant. Et oui, c'est ça. C'est nuisance et ça nuit. Donc c'est puant ce soir. C'est ça le thème de la vie. La vie, ça pue. Nuisance. Écoutez votre émission. Vous voyez, vous y retrouvez quand même, quoi. Vous trouvez que vous nuisez un jour ou l'autre. C'est nuisance qu'il faut écouter. Je suis spécialiste. Si vous ne me connaissez pas, je suis spécialiste. Ah, mais vraiment. Et vous autres, là, vous êtes tous des spécialistes. Je le sais. Vous êtes des spécialistes dans l'âme. Et venez me rejoindre. Bientôt un quart d'heure encore de silence radio. Oui. Je vais peut-être déborder ici. Si lui n'est pas là, le suivant, Love Black Music. Dans peut-être un quart d'heure ou peut-être plus. Ça dépend de l'arrivée du suivant. Et j'éteindrai le micro pour être respectueux de la personne. J'éteindrai l'enregistrement. Et il lancera son générique. Voilà. C'est annoncé. Peut-être que ça se fera comme ça, peut-être pas. Je sais pas. Très spontané comme gars, très circonstanciel. Voilà. Bon. Donc, c'est Silence Radio sur Nuisance, dans l'émission Nuisance, pardon, sur Canal Sud 92.2 FM. J'en perds les mots. Ou canalsud.net. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quelle mémoire, Al, mais vraiment, t'es phénoménal. T'as une mémoire d'enfer. Tu te souviens de tout ce que tu veux à chaque instant. Oh, t'es trop. Ah ouais, je sais, ouais, merci, c'est trop facile en fait. Putain, la première fois que je me fais une interview, hein, à moi-même, quoi. C'est trop fort, je pourrais le dire. Je le dis à tout le monde, je suis tellement vaniteux. Je bois du thé. Je suis vaniteux, c'est une rime de merde. C'est même pas une rime, c'est une consonance, une allitération, j'en sais rien, je m'en fous. Bon. Un équanime. Malin. Gros. Un équanime malingre. C'est pas mal ça. Je suis un équanime malingre, en fait. Quand tu me vois, ouais, ça arrive dans la rue et tout, tu te dis, lui, c'est un équanime malade. Merde, malingre. Excusez-moi. Lapsus révélateur. Silence Radio, toujours sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. dans Nuisance, l'émission surtout, Nuisance. Voilà. Pff, putain. Je maîtrise pas les... Tout à fait. La gestuelle. Non, pas ça. Je maîtrise pas tout à fait les instruments de torture. Les instruments de torture. Les instruments de la tortue. Bling bling bling bling bling bling bling bling bling. Je suis une tortue, c'est un banjo, je suis une tortue. Silence radio. J'en ai sacrément besoin de ça. Ça commence à me faire du bien là. Je suis sûr, Lulu va être un petit peu en retard. Et... Je vais pouvoir déborder un peu et vous faire encore un peu de silence. Finalement, je suis arrivé un quart d'heure en retard, ce serait bien. Mais en même temps, c'est pas grave si ça vient pas comme ça. Hein. Je suis pas réfrigé dans une idée fixe. Hein. C'est bon. C'est compris. Parce que là, il faut que je m'exprime. Là. Désolé. Bon. Passons. Silence radio. Silence radio. Silence radio. Bon, silence radio, silence radio, radio, radio silence. Non, ça n'existe pas. Je sais pas, ce serait marrant radio silence. Bon, enfin, ce serait marrant un petit moment quoi. Moi bon, j'avais des mecs comme moi aussi tout le temps qui ferait sur radio silence, ce serait marrant. Hein. Ça pourrait être marrant, non? Ça pourrait être marrant qu'on entende que de la merde et tout. Mais vraiment de la merde quoi, fait exprès, tu vois. Pas de la merde fait exprès pour se faire de la thune, non. Là, on se comprend mal. Est-ce que c'est fait exprès, ça marche, ça fait de la thune. Non, c'est pas ça. Ok? Ok? Non mais, faut exagérer. Ça résonne trop ici. Les murs ont des oreilles, ok? D'accord? Je peux pas me plaindre, mais j'y peux rien. Merde! Oh là là! Je me suis toujours pas tué, quoi. Je voulais me taire pour mieux représenter le silence radio. C'est ça que je voulais. C'est ça! Mais putain, je peux pas me taire, quoi. C'est obsessif, obsessionnel. Obsessionnel. Merde. Ouais. Ah, j'ai une sèche. Ah, j'ai préparé de l'eau tout à l'heure. Ouais, ça te chie. Ah, une sèche, des fougères. Voilà, encore un raw dans Nuisance, c'est dit. L'émission de tous les raws. C'est pas pour vous faire chier les gens, hein. Mais presque. Mais là, il faut du silence radio, ok? J'en ai marre, je fais la grève. Je fais la grève de merde. Je fais la grève de ma merde, j'arrête de chier, quoi. Je fais la grève de chier, quoi, ok? C'est bon? C'est dit maintenant? Je me chie dessus, quoi. Tellement j'en chie. Putain, c'est grave quand même, quoi. C'est grave, moi je vous le dis. Incroyable, je peux pas vous le dire. Alors je vous le dis comme ça. C'est nul. C'est vraiment nul. On dirait que je suis en prison, quoi. Je suis en train de faire une vidéo amateur. En prison, genre. Avec des rats. Et... Des cancres là. Des matelas en feu. Des brisures de riz. Et de la merde dans les chiottes. Entassé, jusqu'à plus pouvoir en sortir, tellement c'est sec et humide à la fois. Oui. Pourquoi ? Vous comprenez pas ce que je veux dire ? Vous voyez toujours pas ? Mais rentrez, bordel ! Rentrez dans vos têtes, vous comprendrez mieux. C'est sec et humide à la fois, tu comprends mieux ? C'est dur. Et doux. tout en même temps. Ok? C'est ça le silence radio. C'est mieux que le non-silence radio. Ok? On est d'accord là? Il suffit de mettre cette putain d'horloge devant le putain de micro en passant des putains de bandes pas trop fort, genre 3-4, en même temps, à longueur de journée, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre des morceaux, des groupes, les uns après les autres. On fait des putains de bandes, genre 80 heures, je les ai. On pose des 80 bandes sur 3 lecteurs. Non, 90 bandes, allez hop, je les ai aussi. J'en ai plus. 90 bandes divisé par 3, ça fait 30. 30 en même temps, ça fait au moins 30 heures. Et elles sont aléatoires parce qu'elles ne tournent pas dans le même temps. Et on peut acheter une table de mixage numérisée et programmer les automatisations. Et on peut faire varier les potentiomètres. Non, les faders, pardon. Et les potentiomètres. En même temps qu'on lit les bandes, et ça aussi, ça se décale dans le temps. Enfin, pas vraiment, mais c'est bouclé. Ce serait bon, ça. Vous m'entendez, les gars? Les gens? Oh, pardon, les filles, vous m'entendez? Tout le monde, vous m'entendez? Ce serait bon, ça. Ce serait mieux que des putains de morceaux de putains de groupes tout le temps. On pourrait faire ça aussi, tout le temps. Vous asséner des coups dans la tête, vous le dire. Vous êtes que des merdes, vous vous faites niquer tout le temps. Tout le temps, vous vous faites niquer par tout le monde. Vous vous faites niquer, et tellement vous vous faites niquer, vous en avez marre. Vous en avez marre de vous faire niquer. Alors tellement vous vous niquez, vous, eh ben, vous en avez marre de vous. Et c'est là que je rote. Oui, c'est là que je rote. C'est là que je rote encore. Et c'est un faux. Oui, pour vous faire plaisir, je rote pour vous. Oui, les auditeurs et auditrices, les auditrices et auditeurs. Vous êtes des beaux, des pas beaux, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des beaux, des pas beaux, j'en ai rien à foutre. Silence radio. Toujours la même nuisance. Il est 11h moins 6 selon l'horloge du studio. Vous pouvez écouter. Conceptualisons le silence, bordel de merde. Conceptualisons le silence de bordel de merde. Du bordel de merde. On pourrait dire de là, bordel de merde, mais putain, ça s'accorde pas, quoi. Ça s'accorde pas avec là. Là, là, là, là, là, là, là, là. Ah, puche. Ça me fait rire. Bon, arrêtons les insanités. Non, désolé, c'était une blague. Les insanités, oui, ça aussi c'est ma spécialité. La merde et les insanités. Ah ouais, c'est bon ça. Non, la merde c'est déjà fait. Allez, on s'en fout de la merde. Ah, oh, c'est dommage quand même. C'est dommage. Ça fout tout en l'air quand même. Ouais. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de la merde et je garde que les insanités. Oh là, ça va être dur. Je peux quand même dire merde, quoi, mais il m'en souvre. Bon. Ouais, c'est trop. Déjà tout à l'heure, j'arrive même pas à m'interviewer tout seul. On laisse tomber. C'est une meilleure idée. Oui. C'est à mon choix, n'est-ce pas, que j'ai fini de faire? Oui, plutôt, parce que les insanités, on n'en veut pas, hein, n'est-ce pas? On n'en veut pas des insanités. Et on n'en a pas, là, hein, aucune. Aucune folie, rien de passager, rien de permanent d'ailleurs, rien de vraiment occupationnel ou de art-thérapie, rien de tout ça. Non, on n'a rien de merde, de putain de chiottes, de va te faire foutre enculé. Voilà, ça s'accorde mieux. C'est insanité, ça va. C'est une transition vers la sodomie anale, rectale. Rectalienne, rectalianus. Dans le cul, une bite au cul, une bite au cul, une bite au cul, une bite au cul, cul, cul. Je vous rappelle que le thème de l'émission de Nuisance ce soir, c'est le silence radio. Voilà, excusez-moi de vous avoir dérangé. J'avoue. Je ne sais que dire, à part le silence radio, c'est l'émission de ce soir à Toulouse 92.2 FM, ou dans le monde entier, sur internet, bien sûr, pour les gros riches, comme d'habitude. Les gros riches, ou les autres, les gros losers, comme on dit. Ouais, c'est dur à avaler. La pilule, mais on la prend quand même, il faut la prendre. On est des cons, et on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est crever, et on veut pas donner la vie à d'autres, c'est vrai. Je peux comprendre tout à fait. Donc voilà. On va pas se faire naître des gens pour les entrangler après. Tu vois ce que je veux dire ? Vaut mieux niquer le truc dans l'œuf. Comme on dit. Je sais pas comment on dit. Voilà. C'est comme ça. J'ai rien compte. Par contre, c'était quoi le débat ? Silence radio dans la merde et la putain de chiotte, enculé de ma race, d'enculé de merde, qui pue du cul, qui sent la vétusté et l'angle. Angulé, ou anguleux, ou angulonculé, dans sa merde, moi-même. Bien sûr, je m'adresse à tout le monde pour leur dire que je suis de la merde, et je l'assume. Je suis humain, ok ? Compris maintenant ? Comprenez mieux, ça va ? Vous n'avez toujours pas compris, quoi ? Optimiste de merde, quittez l'antenne, optimiste de merde, quittez l'antenne. Les optimistes, allez vous faire bouffer par les loups. Désolé. Les optimistes, allez vous faire bouffer par les loups, désolé. Oh putain, silence radio, hein. Allez, je vous laisse un peu. Voilà, de retour sur Canal Sud, 92.2 FM, ou canalsud.net. Il y a les suivants qui arrivent bientôt. Ils sont bientôt là. Et oui, vous pouvez les entendre derrière. Voilà, genre. Et aussi, tout seul et avec d'autres. Toujours silence radio dans Nuisance sur Canal Sud. Nuisance. L'émission de toutes les nuisances. Silence radio. Silence radio, le thème de nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Toujours silence radio. L'émission spéciale. Anniversaire de la mort de John Cage. Il est enfin mort celui-là. Je sais pas quand c'était, je m'en fous. Anniversaire de la mort de qui vous voulez. Citons les morts, puisqu'ils sont morts, vaut mieux les citer que péricliter. Silence radio. C'est maintenant. Comment ? Comme ça ? avec qui Al. Ou ici. Pourquoi? Parce que Al est ouvert. Pas besoin d'un assistant, je m'en occupe tout seul. Silence radio pour vous. Toutes et tous, si vous voulez mater les culs les uns des autres, allez-y, devant, derrière. J'en ai rien à foutre, c'est votre problème, ou vos problèmes, vos soucis. J'en ai rien à battre comme vous vous en battez des miens. Donc voilà, c'est dit. C'est la mort. Le silence. Radio, c'est la mort de l'âme humaine, la bêtise, mort de l'âme humaine, silence, radio, silence. Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 FM, il est 23h, 23h passées même, et c'est la fin de Nuisance. C'est la fin de Nuisance, tant mieux pour vous. Vous n'aurez plus de silence radio dans les oreilles. Plus de silence radio, c'est la fin. C'est la fin de Nuisance. Maintenant, vous allez avoir de la musique et des morceaux. Et autre chose que du silence radio. Je répète, ce soir c'était Nuisance et c'était du silence radio pour vous. Oui, pour vous. Mais oui! Pour vous.